Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. Le tout nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir les réputés produits Mastercraft. Ingénieux, solides, efficaces, toujours offerts à d'excellents prix. Allez voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac, distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini et souhaite la meilleure des chances à toutes les équipes. C'est la chronique de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini, une présentation de votre magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau. Et Justine Girard a terminé pour l'été. On va parler maintenant avec... il va assurer la fin de la chronique. C'est Patrick Topiano, responsable des communications de l'Association de soccer. Salut Patrick! Salut! Patrick, il y avait des matchs, il y avait quelques matchs hier également de Dolbeau-Mistassini puis des autres équipes. Oui, la saison est terminée. Là, il y avait un dernier match hier à l'extérieur pour l'équipe senior. OK. Qui s'est terminé par une victoire. Puis l'équipe senior termine troisième au classement et vont faire les séries ce dimanche à Allemand. OK. Parce qu'il faut dire que ça se termine par les un grand tournoi. Les séries, c'est ça, là. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça se termine par les séries qui sont en fin de semaine. Puis on a quand même plusieurs équipes qui font les séries cette année. Oui. Donc, on a le U12 qui ont fini deuxième au classement. Ah, puis eux autres, leur série, c'est samedi à Métabetchouan. OK. Ensuite, on a le U16 féminin qui ont terminé deuxième au classement aussi. Puis leur série sont le dimanche, le 20 à Saint-Félicien. Puis on a le senior, comme je disais. OK. Donc, est-ce qu'on peut voir une progression? Est-ce que c'est une progression comparativement à l'an passé? Oui, c'est une progression comparativement à l'année passée, parce que l'année passée, il y avait juste le U16 féminin qui avait fait des séries. Ah, OK. C'est qu'on a quand même plus d'équipes qui font les séries, et en plus, on a quand même, au niveau du local, beaucoup d'équipes qui ont gagné des médailles aux tournois respectifs, comme à Robertval, au tournoi de la traversée, on a une médaille d'or en U8, on a une médaille d'or en U10. OK. Puis, on a aussi à Chicoutimi, au tournoi, on a le U12 qui a gagné la médaille de bronze. Puis, au tournoi à Allemand, on a un U10 qui a participé puis qui ont gagné eux autres aussi la médaille de bronze. Donc, c'est quand même beaucoup de positifs et de succès cette année pour les équipes de l'association. On voit une progression constante. Qu'est-ce qui signifie ça? Une meilleure cuvée, quoi? Des meilleurs entraîneurs? C'est quoi? Comment on peut expliquer ça? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Là, c'est la continuité des jeunes qui s'inscrivent, les équipes qui jouent de plus en plus ensemble, aussi les joueurs, donc apprennent mieux à se connaître, les entraîneurs qui gagnent en expérience. Donc, je pense que ça joue, tout ça, le mélange ensemble, ça joue sur le succès de l'association. Donc, c'est samedi que ça va se mettre en branle. Et il y a aussi le gala qui va avoir lieu la semaine prochaine. Oui, c'est ça, le gala, c'est comme la fin de notre saison, là. Donc, on va souligner les meilleures équipes, les meilleurs joueurs, puis c'est quand même une belle activité, puis une belle fête pour tous nos joueurs locaux et régionaux. OK. Patrick, on se reparle la semaine prochaine pour parler du tournoi, parler également du gala. Et dans deux semaines, on fera un bilan de tout ça avec Véronique Pilote. Oui, puis je te parlerai aussi du futsal puis des 20 Oui, effectivement. Ça s'en vient rapidement. Ça s'en vient très rapidement. Donc c'était Patrick Trapiano, le responsable des communications de l'Association de soccer. Cette chronique est une commandite du magazine Canter sur la rue Vézina.